Écoute, écoute le cri du poisson, le chant du plancton. Regarde, regarde sauter le serpent, marcher le piment. Sens, sens le parfum de l'égout, la senteur du flou. Rappelle-toi, rappelle-toi tes projets du passé, tes souvenirs de demain. Ceci est notre seule chanson, avec pas de guimbarde. Parlons, parlons des glaciers du Canada, des gratte-ciels du Sahara. Évoquons, évoquons la glacière de Rio, l'Inuit de Mexico. Soyons, soyons inondés par un volcan, étouffés par le temps. Voyons, voyons nager le pigeon, s'envoler le scorpion. Car ceci est notre seule chanson. Soufflons maintenant dans la guitare, pinçons la trompette, oui c'est très rare. Tapons sur le violon, chantons comme des muets, saisissons l'occasion. Car ceci est notre seule chanson, avec pas de guimbarde.